Des personnalités de divers pays ont envoyé les messages et lettres de félicitations au maréchal Kim Jong-un à l'occasion de la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée. Ce sont le secrétaire général du comité central du Parti socialiste populaire du Mexique, la femme dirigeante du Parti du peuple de l'Inde, la présidente de la filiale du territoire maritime du Conseil des femmes de toute la Russie, Espoir de Russie, la présidente de l'Union nationale des femmes du Mexique, la présidente de l'association du mouvement des femmes Dilla Martinez de l'Équateur, le directeur de la compagnie Millenia Armada Express de l'Indonésie, le chef du département de la santé de la mairie de Tampoco de la province de Taïré d'Angola, un co-président du comité préparatoire de l'Afrique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Mektusan 2017, la vice-présidente et l'ex-présidente de la Fédération internationale des femmes démocrates. Les destinataires y ont noté que le mouvement féminin coréen, couronné de victoires et de gloire, sous la direction méticuleuse et dans les soins affectueux des grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, connaît une nouvelle apogée sous la direction du respecté maréchal Kim Jong-un. Ils ont souligné que la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée serait une occasion importante pour défendre les espoirs révolutionnaires des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, qui ont résolu le problème des droits des femmes et porté à l'apogée le mouvement féminin afin de manifester dans le monde entier la puissance et la conviction en la victoire des femmes coréennes, fermement unies autour du maréchal Kim Jong-un.